Allez, allez, elle est belle, c'est fou. Allez, allez, encore je ne dis pas tout. Pour enflammer les hommes, elle n'a rien à craindre. Et si elle met la gomme, elle peut même les éteindre. Pour ce qui est des histoires, elle vaut son pesant d'or. S'il n'y a plus de poire pour elle, il y en a encore. Allez, allez, elle est belle, c'est fou. Allez, allez, encore je ne dis pas tout. Quand elle agite les quilles, c'est une star de ciné. Sur roulement, habit, breveté, SGDG. Quand elle joue les mirettes, ma parole on peut voir. La fumée sur la tête des gars sur le trottoir. Allez, allez, elle est belle, c'est fou. Allez, allez, encore je ne dis pas tout. Oh. Sensible ou même très affranchi, faites gaffe aux fusibles de peur des courts-circuits. Et si vous êtes cardiaque, passez votre chemin. Son sourire démoniaque vous tuerait comme un rien. Allez, allez, elle est belle, c'est fou. Allez, allez, encore je ne dis pas tout. Allez, allez, y'a pas mieux, croyez-moi. Et cette beauté, c'est ma môme à moi.